Dossier 4. Leçon 1. L'heure et les horaires. Activité 1. 1. Il est 4h15. 2. Il est 7h20. 3. Il est minuit moins 10. 4. Il est 6h30. 5. Il est midi. 6. Il est 3h moins le quart. 7. Il est midi et demi. 8. Il est minuit. 9. Il est midi moins 10. 10. Il est minuit et demi. 11. Il est 6h moins le quart.